J'ai pas vécu la guerre, mais je me suis senti attaqué. Avec leur cul, j'ai pu écrire les confessions d'un rescapé. Je suis pas le soldat le plus à plaindre, et encore moins le plus capé. Mais malgré ça, je me suis senti un peu comme un rescapé. Le vent a trop soufflé, plus la tempête s'est essoufflée. J'ai traversé une sale époque avec la foi du rescapé. Je suis atteint d'une maladie, je passe mon temps à ressasser. Je sens le poids de mes regrets qui font la force d'un rescapé. Le passé me fait encore peur, j'ai cette envie de l'effacer. Mais dans ce cas, je n'aurai plus le statut de rescapé. J'ai quelques cicatrices, mais c'est en moi que je suis esquinté. Mais oublier ces blessures, c'est le combat d'un rescapé. On court tous derrière le temps avec espoir de le rattraper. Au fond, la vie est une guerre et on est tous des rescapés. Certains écrivent des livres et moi je gratte le papier. D'autres se noient dans un chagrin dans lequel ils n'ont pas pied. C'est pour éviter ça, oui sûrement pour me requinquer, que j'ai pris ma plus belle plume, confession d'un rescapé.